Le bonheur vient du cœur, si pour l'avoir mec t'as sorti l'argent. C'est sûrement que c'est du faux brillant, esquive tous les sorties les gens. Évitant les grosses gestapes, n'est qu'un détail si intelligent. Y'a plusieurs façons de voir la vie, choisis la plus intelligente. Les têtes tournent, éblouies par la monnaie. Ma tête est malade, je me fais péter le cul par la monnaie. Mon œil, stop les bluffs, c'est ton cœur qui a un problème. Tu négliges tes sentiments, on les remplace en par l'oseille. Ta douleur, pour la guérir faudrait apprendre à vivre. Mais t'es même pas capable d'ouvrir ton esprit sans respondre un livre. T'as pas de goût, t'aimes seulement ce qu'ils veulent que t'aimes. Combien de moutons ont acheté le single? C'est de l'harcèlement psychique, tu contrôles rien. T'es un pantin qui plus tard sera par un psychique orienté. Tes masses avant des paquets de top, au bout de la rue la pharmacie vend des pâtes. Paradoxe, je pense plus tox, c'est l'état qui taxe. Escroc comme les jeux à tes grâces, style est tac au tac. T'es mat tout ce que tu claques en claque. Combien sortiront de la attaque intacte? En résumé, mon raisonnement, c'est je préfère dans la rue zoner face au système, pratiquer l'isolement. Remplir ses poches, c'est souvent vider son cœur. N'écoute pas cette voix, elle t'induira en erreur. Te conduira vers la mort, sur le chemin des remords. L'amour ne s'achète pas, c'est le plus grand coffre-fort. Remplir ses poches, c'est souvent vider son cœur. N'écoute pas cette voix, elle t'induira en erreur. Te conduira vers la mort, sur le chemin des remords. L'amour ne s'achète pas, c'est le plus grand coffre-fort. L'amour ne s'achète pas, même si dame semble être un magot. Bonheur éphémère dispo, faut donner ta part du magot. J'aime aussi cette merde spi, mais je préfère l'amour de magot. Dis-moi qu'est-ce qui te reste, une fois que t'as fini tes mégots. Rien mon pote, rien, les bons souvenirs si tu réfléchis bien. C'est plus souvent l'image en famille que les soirs où tu te pètes les reins. Tu peux te leurrer, mais un jour ou l'autre en grandissant, t'accorderas moins d'importance à tous tes potes la rue. J'ai vu même des bons faire les putes l'euro. Ça retourne un cerveau de spi, c'est comme les barman qui apprécient bière, te reserve une TSP et t'observe une TASP. Tu peux lire entre les lignes, besoin d'amour mais tu vois la tirelire au fond du stream. Intéressé, ok mais choisis bien la part. Si ici le bonheur tu trouves pas, vaut mieux que t'ailles le chercher là-bas. Tu sais on dit là-bas, parfois on vit mieux qu'en costard. Quoique c'est danger là-bas, chaque jour ça tire plus d'un gosse. Tout le monde veut la grosse part, mais seront-ils comblés? Y'a pas de bonheur si face au démon t'as succombé. Combien ont su tomber et combien encore tomberont? Je me demande si ce monde hardcore tomberont. Remplir ses poches, c'est souvent vider son cœur. N'écoute pas cette voix, elle t'induira en erreur. Te conduira vers la mort, sur le chemin des remords. L'amour ne s'achète pas, c'est le plus grand coffre-fort. Remplir ses poches, c'est souvent vider son cœur. N'écoute pas cette voix, elle t'induira en erreur. Te conduira vers la mort, sur le chemin des remords. L'amour ne s'achète pas, c'est le plus grand coffre-fort. Bienvenue dans le monde où l'on ne conjugue que le verbe avoir. Le bonheur vient du cœur, si pour l'avoir mec t'as sorti l'argent. C'est sûrement que c'est du faux brillant, esquive tous les sorties les gens. Évitant les grosses gestapes, n'est qu'un détail si intelligent. Y'a plusieurs façons de voir la vie, choisis la plus intelligente. Bienvenue dans le monde où l'on ne conjugue que le verbe avoir.